Fun Radio. Fun Radio. Ursha, baby. This for the A. Shawty, I don't mind if you dance on a pole. That'll make you a shawty. I don't mind when you work until three. If you're leaving with me, gon' make that money, money, money. Your money, money, money. 'Cause I know how it is. Gon' handle your biz and get that money, money, money. Your money, money, money. You can take off your clothes, long as you coming home. Girl, I don't mind. The ballers in here tonight, they gon' buy 100 bottles. As soon as you shake it, I know they gon' make it colossal in here. Cause shawty, you thinkin' them tricks that you do with your body. Got all of these diggins, they crowdin' around you like they seen Beyonce in here. She here, she here. You want your own and you need your own, baby, who am I to judge? Cause how could I ever trip about it when I met you in the club? I make enough for the both of us, but you dance anyway. You know I was raised in the A. Shawty, I don't mind if you dance on a pole. That'll make you a shawty. I don't mind when you work until three. If you're leaving with me, gon' make that money, money, money. Your money, money, money. 'Cause I know how it is. Girl, go and do your biz. Make that money. Et soyez les bienvenus sur Fun Radio. Le Sound and Floor démarre dans quelques secondes avec Sack Noël et Sean Paul, ainsi que Tiesto et John Legend sur Fun. Il est 6h sur Fun Radio, soyez les bienvenus. On démarre la journée avec une bonne dose d'infos. Elle est signée Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Les hommages à Toots Thielemans, le célèbre jazzman décédé hier matin à l'âge de 94 ans, se sont multipliés. Et Charles Michel, Quincy Jones, la famille royale ou encore le Metropole Orchestre du Royal Albert Hall, tous lui ont rendu hommage. Les funérailles de Toots Thielemans auront lieu samedi matin à la Hulpe, en Brabant Wallon, commune où il habitait depuis plus de 20 ans et dont il était citoyen d'honneur. Elles seront célébrées à l'église Saint-Nicolas samedi à 11h et en raison de l'affluence à laquelle s'attendent les autorités locales, il a été décidé qu'un écran serait installé à l'extérieur de l'église pour permettre à un maximum de personnes de suivre la cérémonie. Le fils de l'imam Shaya Alami qui est apparu dans une vidéo tournée dans le centre de Verviers lançant un appel au meurtre de chrétiens a été placé pour 3 mois en IPPJ. L'adolescent avait été remis en liberté après avoir été interpellé dimanche avec son père et sa mère. Il a été déféré ce lundi devant un juge de la jeunesse qui a décidé le placement. Le jeune garçon dit regretter cette vidéo et la manière dont elle a été interprétée. Il a déclaré ne pas parler des chrétiens mais du régime de Bachar al-Assad. Il a également expliqué qu'il avait fréquenté des personnes qui sont parti aujourd'hui en Syrie, mais qu'actuellement il en connaît beaucoup moins. Et pour rappel, Shaya Alami, son père, est depuis 1 an sous le coup d'un arrêté d'expulsion du territoire, une procédure qui n'a encore jamais abouti. La course à la Maison Blanche ne se limitera pas à un duel Clinton-Trump. Un nouveau candidat s'est fait connaître hier et il s'agit du hard rocker Alice Cooper. Le chanteur excentrique américain de 68 ans a annoncé qu'il se lançait officiellement dans la course à la Maison Blanche pour l'élection du 8 novembre avec le slogan « Un homme perturbé pour une époque perturbée ». Mais le site internet consacré à sa campagne montre qu'il est assez conscient du peu de chances que son projet se concrétise. Et enfin, on termine avec un mot de sport et nos athlètes olympiques qui rentrent au pays ce matin, ils sont attendus dans la matinée à l'aéroport de Zaventem. Fun Radio. Dans un instant, c'est la Swedish House Mafia qui arrive sur Fun, ainsi que le petit duo Sack Noël et Sean Paul avec Trumpets. Juste avant, Benjamin, côté météo, est-ce que cette journée de mardi s'annonce bien? Eh bien oui, elle s'annonce même très bien puisque nous bénéficierons d'un temps estival ensoleillé et chaud. Les maxima oscilleront entre 24 degrés en Haute-Fagne et localement 29 degrés dans le centre, donc il est temps de sortir les barbecues. Prochaines infos à 6h30, le retour du son Dance Floor, c'est maintenant avec Tiesto et John Legend sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Summer Fun. I see you in my head, you ain't like the rest, you ain't bringing me down, baby. You're right next to me, we're making history, the sun's about to go down, baby. Ooh, I wanna be wherever you are. first time you and I make it last forever. About to go down, baby. It wasn't just a dream, I guess it's meant to be. I got to tell you right now, baby. Bon début de journée à l'écoute de Fun les amis, il est 6h05 et dans quelques petites secondes, c'est le duo Zach Noël et Sean Paul Trumpets qui arrive. Et si vous écoutez bien en plus, vous entendrez des petits cris de singe juste derrière et ça cartonne et c'est ce que je vous cale dans un instant. Le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue. On démarre ensemble cette nouvelle journée de mardi 23 août 2016. Journée un peu particulière puisqu'aujourd'hui c'est le grand lancement du film Le Correspondant avec Jimmy Labeu qui sortira dans les salles ce soir en avant-première. Vous allez d'ailleurs pouvoir encore remporter vos places pour l'avant-première de Jimmy Labeu, l'avant-première du Correspondant qui aura lieu ce soir à l'UGC Toison d'Or de Bruxelles. Pour tenter votre chance, très simple, vous envoyez dès maintenant Ciné, C-I-N-E par SMS au 6322 pour 1€ le message et vous saurez directement si vous repartez ou pas avec vos places à ce sera donc ce soir du côté de l'UGC Toison d'Or. Quoi de mieux pour bien démarrer la journée, comme chaque jour, de faire un tour du côté de l'éphéméride. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Nous sommes le mardi 23 août 2016, 236e jour de l'année déjà et 34e semaine. Bonne fête à vous si vous vous appelez Églantine, Rosa, Rose, Rosette ou encore Rosie. Et puis des stars sont nées ce mardi 23 août 2016, comme notamment l'acteur Jacques Weber, encore le politique Roland Dumas. Et puis si vous aussi, vous avez envie simplement de fêter l'anniversaire d'un de vos proches ici à l'antenne, c'est très simple. Vous envoyez un petit message dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS avec le code ANIF. Et puis moi je vous rappelle juste après, on fête l'anniversaire de votre pote ici à l'antenne. Ça peut être vachement sympa pour souhaiter un bon anniversaire. Et puis Facebook nous apprend ce matin également que c'est les 25 ans d'Internet, puisque ça fait 25 ans qu'Internet connecte le monde. Le web a fait son apparition il y a maintenant 25 ans. On peut remercier ainsi Sir Tim Berkeley et les autres pionniers d'Internet qui ont rendu le monde plus connecté grâce à eux. On en reparlera tout à l'heure évidemment. Évidemment, c'était l'éphéméride du jour. Voici Zach Noël et Sean Paul sur Fun à 6h07. Head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, funny body, me take up a permanent residence, rotate your body, come in love, or you're spinning it, rotate your body, come in love, or you're spinning it, rotate your body, come in love, or you're spinning it, make the trumpets blow. Trumpets blow. not stop watch when you bubbly, bubbly. Serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get someone come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot she a bubbly, bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. And it look good girl you ever be winning it. Turn it up right girl you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pony body me take up a permanent residence. Trumpets blow. Et 6h13 sur Fun Radio, soyez les bienvenus les amis. The Chainsmokers, Daya, Don't Let Me Down, c'est ce qui arrive dans un instant. Et j'ai du cadeau pour vous toute la semaine. Je vous envoie vous relaxer avec vos soins et vos séjours au terme de Green Morgan. C'est quand même franchement pas mal pour bien démarrer l'année. Car oui, la rentrée scolaire, c'est déjà la semaine prochaine malheureusement. Alors pour vous qui êtes parents, vous qui allez stresser durant toute l'année, qui allez devoir suivre vos enfants pour les pousser à étudier, à faire leurs devoirs, à les amener à l'école le matin à 7h45, eh bien je vous envoie vous détendre avant ça au terme de Green Morgan avec votre accès au terme, massage du corps, votre séjour, cure printemps de luxe pour deux personnes en chambre supérieure et pas que, parce que je vous file également le petit déjeuner en plus des massages. Tout ça et bien en plus, ça se passe du côté des thermes de Grimbergen dans un très beau cadre. Mais franchement, C'est la vie de château, vous allez pouvoir vivre là-bas. Alors pour vous inscrire, ça se passe du côté du 6322 pour 1€ le message. Vous envoyez le code BEAUTE, B-E-A-U-T-E, très simple, BEAUTE par SMS au 6322 pour 1€ le message. Toutes les infos dès maintenant d'ailleurs sur funradio.be. Je vous souhaite bonne chance, j'appelle là en l'une d'entre vous tout à l'heure aux alentours de 9h15. Dans quelques instants, on fait un tour du côté de l'horoscope du jour. Y a-t-il des bonnes nouvelles du côté de l'amour? C'est ce qu'on verra après de Chainsmokers sur Fun. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous écoutez Summer Fun et vous êtes sur Fun Radio à 6h18. Dans quelques secondes, c'est le Carolo Kid Noise qui arrive sur Fun avec son titre Océan. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Ocean, à vous de voir le petit plaisir que vous avez envie de mettre dans ce titre. C'est l'heure de l'horoscope du jour. Que va-t-il se passer du côté de l'amour pour vous aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir avec nos amis les béliers. Prenez les devants sur les événements, ne suivez pas comme un mouton. Les taureaux, vivez votre chemin à l'abri des regards indiscrets. Les gémeaux, cette journée ne sera pas à la hauteur de votre attente, alors patience. Les cancers, à vous les jolies prises de conscience qui feront mûrir votre couple. Les lions, relevez vos manches et prenez les devants pour mieux accumuler les points gagnants. Attention, c'est important. Les vierges, pas de vagues à l'horizon, mais rien de bien folichon non plus. Du côté des balances, c'est le moment de penser avenir et construction. Pour les scorpions, n'insistez pas sur les petits désaccords et acceptez vos torts. Bah oui, les scorpions. Les sagittaires, ne perdez pas la main dans un dédale d'interrogations. Pour les capricornes, vous n'êtes pas le nombril du monde, on croirait moi. Mais ça peut changer d'aussitôt, alors attention. Les Verseaux, 4 mots pour vous. À vous d'agir. Et puis on termine avec les poissons. Des opportunités pour redresser la situation s'offrent à vous. Ne les laissez pas passer. C'était l'horoscope du jour que vous allez pouvoir retrouver dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio. Dans quelques secondes, j'ai du cadeau et plein de surprises pour vous. Et c'est ce qu'on découvre juste après Kid Noise et Ocean sur Fun à 6h19. Bon réveil, vous écoutez Summer Fun et nous sommes en direct jusqu'à 9h.

Le Sound Explore continue dans quelques instants avec le duo Calvin Harris et Rihanna, le DJ néerlandophone Armin Van Buuren et Ryan Streffel, ça de la partie. Et puis juste avant, c'est Môme que joue Kale sur Fun. Fun Radio. Il est 6h30, on s'informe en ce mardi 23 août 2007 avec Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Anto, bonjour à tous. Les hommages à Toots Thielemans, le célèbre jazzman décédé hier matin à l'âge de 94 ans, se sont multipliés. Charles Michel, Quincy Jones, la famille royale ou encore le Metropole Orchestre du Royal Albert Hall à Londres, tous lui ont rendu hommage. Les funérailles de Toots Thielemans auront lieu samedi matin à La Hulpe, en Brabant Wallon, commune où il habitait depuis plus de 20 ans et dont il était citoyen d'honneur. Elles seront célébrées à l'église Saint-Nicolas samedi à 11h et en raison de l'affluence à laquelle s'attendent les autorités locales, il a été décidé qu'un écran serait installé à l'extérieur de l'église pour permettre à un maximum de personnes de suivre la cérémonie. La femme qui a agressé trois personnes avec un couteau lundi après-midi à Ucl est une ressortissante philippine âgée de 52 ans. Elle est connue de la police locale de la zone Marlow. La femme est toujours hospitalisée et n'a pas encore été entendue. Pour rappel, hier à 16h30, la femme s'est disputée avec plusieurs passagers dans un bus circulant chaussée de Waterloo à Ucl, qu'elle a ensuite agressé avec un couteau. Deux personnes ont été blessées. La femme est ensuite descendue du bus et a blessé une troisième personne. Les trois victimes ont été légèrement blessées et emmenées à l'hôpital. La police locale s'est rendue sur les lieux et a tenté de la maîtriser. Des policiers ont ouvert le feu car elle refusait d'obéir à leurs injonctions. On ignore la raison de ces agressions. Il n'est pas question d'un acte terroriste, mais plutôt d'un geste d'une personne souffrant de problèmes psychologiques. Et le fils de l'imam Shaya Alami, qui est apparu dans une vidéo tournée dans le centre de Verviers lançant un appel au meurtre des chrétiens, a été placé pour 3 mois en IPPJ, l'institution publique de protection de la jeunesse. L'adolescent avait été remis en liberté après avoir été interpellé dimanche avec son père et sa mère. Il a été déféré ce lundi devant un juge de la jeunesse qui a décidé le placement. Le jeune garçon dit regretter cette vidéo et la manière dont elle a été interprétée. Il a déclaré ne pas parler des chrétiens mais du régime de Bachar al-Assad. Il a également expliqué qu'il avait fréquenté des personnes qui sont parties aujourd'hui en Syrie, mais qu'actuellement il en connaît beaucoup moins. Et pour rappel, Shahi Alami est depuis un an sous le coup d'un arrêté d'expulsion du territoire, une procédure qui n'a jamais abouti. Et enfin, la course à la Maison Blanche aux États-Unis ne se limitera pas à un duel Clinton-Trump. Un nouveau candidat s'est fait connaître hier, il s'agit du hard rocker Alice Cooper. Le chanteur excentrique américain de 68 ans a annoncé qu'il se lançait officiellement dans la course à la Maison Blanche pour l'élection du 8 novembre avec le slogan « Un homme perturbé pour une époque perturbée ». Mais le site internet consacré à sa campagne montre qu'il est assez conscient du peu de chances que son projet se concrétise. Fun. Dans un instant, c'est le DJ Armin Van Buuren qui arrive sur Fun, ainsi que la belle et talentueuse et Ryan Streffel avec son titre Bonne Bonne. Juste avant, est-ce que le titre sera Bonne Bonne cet après-midi, Benjamin? En tout cas, c'est facile, je sais. Ouais. Mais la journée sera vraiment ensoleillée, il fera très très beau. 24 degrés en Haute-Fagne et localement 29 degrés dans le centre. Profitez-en. Prochaines infos à 7h. Le retour du son Dance Floor, c'est maintenant avec Mom sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Summer Fun, c'est du son Dance Floor. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Sorry. 6h36 sur Fun, soyez les bienvenus. Je vous calerai Strefy dans un instant avec son titre Bonne Bonne. Le temps pour moi de vous parler de sucré salé, on parle de bouffe ce matin dans l'émission. Car voilà, franchement, nous ici, on adore entre les titres, vous ne le savez pas, mais parler bouffe, parce que bah, le matin, on déjeune ou on déjeune très peu. Et donc, on se motive en se disant, ah bah, pas de panique, à 10h, on ira manger un bon plat de pâtes, un petit steak, parce que oui, on adore le sucré salé. Et c'est le thème de l'émission aujourd'hui, justement, parce que pendant l'été, il y a plein de plats exceptionnels à manger pour se faire plaisir. Quoi de mieux, justement, pour manger l'été? C'est la question que je pose aujourd'hui. Quels sont les petits plats coup de cœur, les petits trucs qu'il faut absolument goûter durant l'été? Quels sont vos coups de cœur à partager avec moi ce matin? Ça se passe par SMS au 34 pour 50 centimes le SMS. Si je vous donne par exemple mon top 2 des plats à manger, le menu à manger pour passer un bel été, c'est par exemple plat très facile à faire durant l'été, c'est melon mozzarella basilic frais. Ça, c'est le truc de base, très facile et très bon également. Et puis ce qui peut être sympa et ce qui est aussi 100% été en place, c'est un ananas farci au saumon. Donc vous prenez un ananas et vous le farcissez, ça ne veut pas dire, vous le fourrez au saumon, vous passez au four, et puis ça peut être franchement délicieux. Des réactions qu'on a déjà reçues par SMS au 3044, parce que c'est un sujet qui apparemment va vous plaire, hein, la bouffe d'été. Rien de mieux que le sucré, me dit Guillaume, salé durant l'été pour bien terminer la journée. Donc lui aussi, Guillaume, apparemment, il est comme moi, il adore le sucré salé. Et puis il y a Nathalie qui dit, je crois que je préfère le sucré, même si ça donne soif en mangeant, ce qui est vrai. Mais j'adore en tout cas, merci Nathalie, merci Guillaume. Vous aussi, vous avez envie de partager votre coup de cœur gustatif dans l'émission, vous avez envie de réagir, venez faire de la radio avec moi ce matin. Ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS, ou encore plus simple via la page Facebook de l'émission, la page Summer Fun. Voici Iris Tréfus sur Fun avec Bonne Bonne à 6h38. This is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get your chitty, dun, dun, dun. Bun, bun. Heaven, this is buns, bun. King of the kish. Fëm të rëgu që më më kërë prish e prish. Kjo mund si jo më ane. Se kur ftof një her, jo më nuk e ndzej. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. I'm not saying I'm not sorry. Not sorry. Looking for another you. It's not getting any better, better. But what can I do when that's up there wrong? When we keep holding on to the best days. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. À 6h43 sur Fun, Calvin Harris, Rihanna, c'est ce qui arrive dans un instant. Avec leur titre This is what you came for, et c'est ce que je vous cale dans un instant sur Fun Radio. Un problème sur la route? Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Et à 6h44 ce matin, que se passe-t-il à Bruxelles et en Wallonie, Benjamin? Eh bien, on nous signale un embouteillage croissant sur la E19 de Bruxelles à Malines entre la borne kilométrique 6 et Malines Sud. Sur 4 km, vous perdez 39 minutes. Et on nous signale également un ralentissement sur la N237 de Nivelles à Otigny-Louvain-la-Neuve entre Genappe et Cours-Saint-Étienne, et ce sur 2 km. Et là, vous perdez 13 minutes. Et soyez prudents sur la route. Si vous apercevez un objet encombrant, un ralentissement ou encore un accident, faites-le moi savoir par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Et c'est ça aussi la Fun Family le matin, Benjamin, c'est pouvoir se soutenir ensemble et participer à la Fun Solidarité. Tout à fait. Dans un instant, c'est Dua Lipa que joue Cal sur Fun Radio, ainsi que le tout nouveau Ken Jens. Lyon sera de la partie, ainsi que le duo Calvin Harris et Rihanna. Le tout, c'est juste après ça sur Fun. Fun Radio présente la Lotto City Para 2016, le plus grand événement 100% gratuit du Benelux, samedi.

Bon réveil sur Fun Radio, merci d'être avec nous. Dua Lipa, c'est ce qui arrive dans un instant. C'est pas pour vous déprimer les amis, mais oui, déjà dans une semaine, c'est la rentrée des classes, la rentrée du boulot si vous aviez 2 mois de vacances. Et donc, bah, ça y est, l'année va redémarrer. Je vous propose donc de vous relaxer, de passer un excellent moment au terme de Grimbergen. Franchement, c'est l'endroit où dès que vous arrivez, vous êtes déjà un peu en vacances, détendu, tranquillou. C'est en fait un grand manoir un peu ancien qui va vous emmener, eh bien, dans une chambre supérieure, pleine de magie, pleine de détente, pleine de soins. Et d'ailleurs, on vous offre tout ça cette semaine sur Fun, tous les matins entre 6h et 9h. Et puis chez Audrey, parce qu'Audrey a fait son grand retour également entre 17h et 20h. On vous offre tous les deux vos soins pour 2 personnes avec l'accès au terme, évidemment. En plus, on rajoute un petit massage pour le corps et même peut-être votre séjour cure printemps de luxe pour 2 personnes avec chambre supérieure et puis massage et petit déjeuner. Tout ça, c'est peut-être pour vous, les amis. Alors, vous avez envie de faire plaisir à madame, faire plaisir à monsieur et partir en couple? Eh ben, c'est très simple. Vous envoyez beauté dès maintenant par SMS au 6322 pour 1€ message. Et puis si on vous rappelle, bah, tout à l'heure aux alentours de 9h15, c'est gagné. Toutes les infos à retrouver dès maintenant sur funradio.be. C'est quand même pas mal comme cadeau pour bien démarrer l'année. Et c'est ce qu'on vous offre toute la semaine sur Fun Radio. Bonne chance. Fun. Fun Radio. Et de la chance, vous en avez, car à 6h59, on démarre une nouvelle heure et on démarre également le tour de l'actu avec Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Anto, bonjour à tous. Le fils de l'imam Shai Alami, qui est apparu dans une vidéo tournée dans le centre de Verviers lançant un appel au meurtre des chrétiens, a été placé pour 3 mois en IPPJ, l'institution publique de protection de la jeunesse. L'adolescent avait été remis en liberté après avoir été interpellé dimanche avec son père et sa mère. Il a été déféré ce lundi devant un juge de la jeunesse qui a décidé le placement. Le jeune garçon dit regretter cette vidéo et la manière dont elle a été interprétée. Il a déclaré ne pas parler des chrétiens mais du régime de Bachar al-Assad. Il a également expliqué qu'il avait fréquenté des personnes qui sont parties aujourd'hui en Syrie mais qu'actuellement il en connaît beaucoup moins. Pour rappel, son père Shai Alami est connu depuis un an, sous le coup d'un arrêté d'expulsion du territoire, une procédure qui n'a jamais abouti. Les hommages à Toots Thielemans, le célèbre jazzman décédé hier matin à l'âge de 94 ans, se sont multipliés. Charles Michel, Quincy Jones, la famille royale ou encore le Metropole Orchestre du Royal Albert Hall de Londres, tous lui ont rendu hommage. Les funérailles de Toots Thielemans auront lieu samedi matin à La Hulpe, en Brabant Wallon, commune où il habitait depuis plus de 20 ans et dont il était citoyen d'honneur. Elles seront célébrées à l'église Saint-Nicolas samedi à 11h et en raison de l'affluence à laquelle s'attendent les autorités locales, il a été décidé qu'un écran serait installé à l'extérieur de l'église pour permettre à un maximum de personnes de suivre la cérémonie. Nos enfants sont surmédicamentés. C'est une étude des mutualités libres qui le dit. Les plus petits sont particulièrement concernés. Les médecins leur prescrivent des antibiotiques de manière assez systématique et la fréquence moyenne de prise est de 3 boîtes par année. Un enfant sur 3 consommait au moins une fois dans l'année une boîte d'antibiotiques. Les nourrissons sont d'autant plus exposés car près d'1 sur 2 consomme des antibiotiques dans l'année à une fréquence de 3 boîtes par an. Et après les antibiotiques, on retrouve les bronchoinhalateurs, en principe utilisés dans le traitement de l'asthme, mais dont l'usage généralise aux affections respiratoires banales. Plus 1 enfant sur 10 en aurait consommé. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, repart à l'attaque. Dans un livre à paraître demain et intitulé « Tout pour la France », Nicolas Sarkozy annonce qu'il sera bien candidat à la primaire de la droite et du centre. L'annonce ne fait que confirmer les ambitions présidentielles de l'ex-chef d'État revenu en politique en 2014, mais qui avait juré d'abandonner la politique après son échec lors de l'élection en 2012. Depuis lors, il a préparé et orchestré son retour. Son programme se veut encore plus à droite avec entre autres l'abrogation de l'impôt sur la fortune, l'interdiction d'entrer en France pour les immigrants qui ne disposent pas d'un contrat de travail, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, de quoi plaire à l'électorat qu'il veut cibler, mais pour gagner la primaire, il devra aussi convaincre les centristes plus proches de son rival, Alain Juppé. Fun, Fun Radio. Le son dance floor continue dans quelques secondes avec le titre de Jonas Blue, la danoise Mo, ainsi que Ritza et Les Sedai. Juste avant, côté météo, est-ce qu'on va chanter sous le soleil aujourd'hui? Eh bien, on va chanter sous le soleil, on va même un petit peu transpirer sous le soleil, puisqu'il fera extrêmement chaud, 24 degrés en Haute-Fagne et localement 29 degrés dans le centre. Les prochaines infos, c'est à 7h30. À 7h30, oui, je ne me trompe pas. Le retour du son dance floor, c'est maintenant avec Dua Lipa sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio.

Et 7h13 sur Fun, Jonas Blue, Perfect Strangers, c'est ce qui arrive dans un instant côté son dance floor. Le temps pour moi de vous parler cadeau, car oui, j'ai du cadeau super spécial pour vous toute la semaine. Je vous envoie au terme de Grimbergen. Alors franchement, si vous ne connaissez pas, c'est l'endroit le plus fantastique au monde pour se détendre, se relaxer. Et justement, eh ben, c'est la rentrée scolaire, c'est le retour au boulot dans une semaine, si vous avez eu la chance de prendre 2 mois de vacances. Et donc on se dit, bah, pourquoi pas détendre nos auditeurs avant ce retour à la rentrée, ce retour à la vie réelle. On vous envoie donc toute la semaine entre 6h et 9h et 17h et 20h avec Audrey, direction les termes de Grimbergen-Boisfort. Des termes qui ont évidemment plus de 15 ans d'expérience en massage, en détente, et on vous offre votre cure détente avec des soins pour deux, accès aux termes, massage et même peut-être votre séjour cure printemps de luxe pour deux personnes avec votre chambre supérieure, attention, ainsi que votre petit déjeuner plus des massages. Donc vous voyez, on a quand même un énorme cadeau à vous offrir. Alors pour tenter votre chance, c'est très très très simple, vous envoyez beauté dès maintenant par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et puis messieurs, je pense que c'est le cadeau qui peut faire franchement plaisir à madame, et inversement, peut-être que votre homme aime aussi peut-être se détendre et se faire plaisir. Et donc mesdames, pensez à monsieur qui a envie eh bien, de se détendre après le boulot. Tout ça et bien plus, c'est ce que je vous offre durant toute la semaine. Alors je vous rappelle, beauté par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et puis toutes les infos sur funradio.be ou encore sur le site de Termes de Grimbergen, termes avec AE arrobase, .com, pardon. Bonne chance, Jonas Blue, c'est ce qui arrive à 7h15 sur Fun. No games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Et 7h18 sur Fun, merci de vous réveiller avec Fun Radio. Dans quelques petites secondes, c'est mon coup de cœur du moment que je partage avec vous. C'est la Demlasmo qui arrive avec son titre Fanel Song. Et bougez pas, je vous le cale juste après ça. Info, scoop, pipi. People, Média, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et dans le Club Buzz, je vous parle d'une info plutôt insolite et originale que j'ai pourquoi pas envie de tester, vous aussi j'en suis sûr. On va parler de cache-cache, car sera organisé début septembre le championnat du monde de cache-cache. Ça se passera en Italie, du côté de la ville fantôme de Cosomo. Je sais pas si vous vous souvenez de cette ville d'ailleurs, qui a été vachement dégradée à cause d'un glissement de terrain en 1976. Mais là, elle va complètement revivre grâce justement à cette compétition, à ce championnat du monde de cache-cache. Alors ça se passera du côté donc de Cosomo en Italie les 3 et 4 septembre prochains. Alors c'est vrai que même si l'organisation a envie de dire que c'est mondial, ça sera peut-être pas une organisation mondiale, mais en tout cas ça peut être super sympa si vous aussi, eh bien vous êtes un peu nostalgique de ce jeu qu'on faisait quand on était enfant. Je me rappelle évidemment quand on se cachait sous la table, dans les armoires, même derrière son lit, sous la couette. C'est un jeu qui parfois peut partir en délire complet et c'est très drôle, et c'est ce qu'on vous propose justement là-bas en Italie. Alors n'importe qui peut s'inscrire, vous pouvez vous inscrire, ça se passe sur internet évidemment pour s'inscrire, c'est toujours ouvert maintenant. Par contre le prix c'est 25€ par personne et c'est minimum par équipe de 5, ce qui revient si on fait le calcul rapide à 125€ par équipe. Là-dedans vous avez un badge, des gadgets, des tenues, le parking et le camping, car vous pouvez loger sur place. Alors en plus de tout ça vous avez droit à des concerts, des DJ sets, de la restauration et puis bien sûr des bars à volonté. Et ce qui peut être drôle aussi, c'est que vous n'allez pas vous perdre. Le but n'est pas que vous allez vous perdre si on vous oublie dans un petit coin de la ville. Non, parce que le but est donc de revenir au centre de la ville une fois que vous n'avez pas été trouvé. Donc vous passez par exemple une journée cachée, et une fois que vous n'avez pas été retrouvé, vous revenez au centre de la ville, et là c'est gagné pour vous. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les infos maintenant sur la page Facebook de Summer Fun, parce que c'est une idée plutôt originale à faire entre amis. Si vous êtes fan de voyage, fan de jeu, et ben voilà, cette activité championnat du monde de cache-cache est faite pour vous. Je vous rappelle, ça se passera du côté de Cosomo en Italie le dimanche et samedi 3 et 4 septembre prochain. Les amis, rien à voir, sans transition, on parle d'anniversaire, on parle de cadeaux également, car si vous avez envie de faire un petit cadeau à l'un de vos potes, vous avez envie de passer ici en direct sur Fun Radio ce matin pour souhaiter un bon anniversaire à l'un de vos proches, ce qui peut être une super surprise. Comment ça se passe? C'est très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Bon contact, prêt pour un nouveau cas de je sais pas choisir. Oh mince, c'est la rentrée et Julien vient de se faire piquer son vélo à une soirée. Je lui prends quoi? Un vélo de ville? Bah non, on habite à la campagne. Un pliable? Oh, il va quand même pas le plier. Oh je sais, je vais acheter une petite mobilette. Ah voilà. Oh qu'est-ce qu'il va être fier de pouvoir monter derrière son papa. Choisir n'est jamais simple, sauf pour payer. Car là, on choisit Bancontact, le mode de paiement préféré des Belges. Bancontact, ça c'est sûr. Loto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce mercredi, un tirage très, très wow. Près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au Loto. Fun Radio. I've been hit by stars, a beauty who are, a beauty who are. Day turns into night, you light up my dark, you light up my dark. You're the one that I see waking up next to me, and I hope it's the same for you. But you play with my mind when you send me these signs, and I see other guys get them too. You light up my dark. You're the one that Big city, beautiful sky. The only thing I want.

I wanna do it again. I'll eat you like a cannibal. You're sweet like cinnamon. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Oh, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Quoi de mieux pour bien démarrer la journée du bon pied qu'écouter Fun Radio? Je peux vous le dire, vous avez fait le bon choix car dans quelques secondes, c'est le duo Axwell et Sébastien Grosso qui arrive sur Fun. Le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue, vous êtes sur Fun Radio les amis, je m'appelle Anto et nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour Summer Fun avec pourquoi de mieux que démarrer avec l'éphéméride du jour. Nous sommes le mardi 23 août 2016, déjà le 236e jour de l'année, ça va très très vite et nous sommes presque à la moitié de cette 34e semaine. Bonne fête à vous, si vous vous appelez Églantine, Rosa, Rose, Rosette ou encore Rosie. Et puis des stars sont nées ce mardi 23 août, on pense évidemment à l'acteur Jacques Weber ou encore le politique Roland Dumas. Et puis vous aussi, vous avez envie de fêter l'anniversaire d'un proche ou votre anniversaire en direct à la radio, c'est très simple. Vous m'envoyez un petit SMS au 3044 avec le code ANIF et puis moi je vous rappelle juste après. Le temps également de vous rappeler qu'on parle du sucré salé aujourd'hui, on parle de la bouffe d'été. Vous avez pourquoi pas un conseil, un plat, un menu fétiche à faire partager avec nous ce matin. Ça se passe par SMS 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page Facebook de l'émission, la page Summer Fun. Voici Axwell et Sébastien Grosso sur Fun. Think about tonight, what I'm gonna do, but I just can't concentrate, cause I'm thinking about you. Think about money, think what I owe, spent it on a car with a cool, cool stereo, and I'm sitting in traffic, wishing it would move, should be thinking about a job, but I'm thinking about you. A kid again, total out of bliss. Lots of bliss. Think about my holidays, think golden rays, think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met, swimming about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again, total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. A kid again, total lots of bliss. Les meilleurs de son dance floor, ça se passe également l'été sur Fun Radio. Et donc dans quelques petites secondes, le titre de Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Le temps pour moi de vous rappeler également qu'on a du cadeau, parce qu'on vous invite à venir faire de la radio avec nous. Ça se passe tous les vendredis de l'été entre 8h et 9h. Vous venez ici faire de la radio en direct avec nous pour découvrir un peu tout ce qui se passe sur des photos, participer à l'antenne, faire des jeux. Ça se passe ici à l'avenue Télémac 33 à Forêt, et vous repartez avec votre petit déjeuner juste après l'émission qui l'a été offert par la boulangerie L'Artisan de Forêt. Pour en parler avec nous, on a Michel Russeau qui est par téléphone avec nous ce matin. Salut Michel. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Bien, merci. Alors on parle justement de la boulangerie L'Artisan avec toi, parce que vous êtes une boulangerie mais vous êtes également un service traiteur. Oui, tout à fait, effectivement, tous les jours, différents plats sont préparés. Ça va du simple pâte plate, au poivron, au farci, au poisson. Viande. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que nous, évidemment, dans l'équipe, on a testé tous ces plats traiteurs, on a testé la boulangerie, et franchement, on peut vous le recommander. Vous faites également des commandes et des livraisons. Oui, tout à fait. En fonction des désidératas de chacun, on peut effectivement livrer tout ce qui est fait à l'artisan. Peut également être livré, oui, tout à fait. Alors, ce qui peut être sympa en plus de tout ça, c'est qu'on peut commander, on peut se faire livrer, mais on peut également le manger sur place, parce que vous avez une petite salle de dégustation. Oui, il y a pratiquement 40 places assises, et donc vous êtes les bienvenus. Alors, où ça se passe? Quelques infos sur l'artisan, Michel. Mais écoute, le matin, effectivement, nous proposons toute une série de petits déjeuners. Le midi, comme tu as assez bien dit, il y a effectivement différents plats du jour et des suggestions. Et l'après-midi, prendre un petit café, une petite viennoiserie, ça fait toujours plaisir. Et ça se passe dans quel coin? C'est à Forêt, c'est ça? À quelle adresse? C'est à Forêt, chaussée d'Alsenberg, au niveau de l'avenue Molière, au 351. Et on peut également venir en bus, parce qu'il y a un arrêt de bus juste devant, Molière-Longchamp. Comme ça, tout est dit, on est au courant de tout et on peut retrouver toutes les infos dès maintenant. Et sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. À très bientôt. Et puis, les amis, vous avez envie donc de goûter à l'artisan de Forêt, vous avez envie de faire de la radio avec nous, vous m'envoyez un petit message dès maintenant par mail à honto@funradio.be, ou encore plus simple via la page Facebook de l'émission, la page Summer Fun. Dans quelques secondes, on parle de l'agenda du jour. On aura également des surprises pour vous. Et côté sur Dance Floor, c'est Ina qui arrive, ainsi que Amir. Et j'ai cherché, mais juste avant, c'est Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling que je vous cale à 8h13 sur Fun. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance. something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. You when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Direction la France avec Amir et J'ai cherché et son titre qui a représenté la France à l'Eurovision. Et c'est un de mes coups de cœur, je le partage avec vous dans un instant. Juste avant, c'est l'heure pour nous de jouer au Battle Fun. Le principe très simple, on va vous diffuser un extrait d'un titre fun évidemment qui a été modifié par notre réalisateur Etienne, que j'embrasse au passage et qui nous accompagne depuis le début de l'été évidemment au taquet. Le principe donc est de reconnaître le titre de l'artiste ou encore le titre pardon du morceau ou encore le nom de l'artiste. Dès que vous pensez le reconnaître ou vous l'avez reconnu, vous m'envoyez un petit message au 3044 pour 50 centimes le SMS et puis si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec deux entrées pour le parc Nausicaa qui est un parc de découverte maritime. C'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. Écoutez, c'est l'extrait du jour. Ah, c'est plutôt simple, c'est une artiste fun qui est venue en plus en studio ici il y a quelques temps. C'est Benjamin, notre journaliste qui se marre, voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est donc une artiste fun qui est venue ici en studio il n'y a pas très longtemps, dans C'est que du fun. Un indice en plus, elle est belge, elle est chanteuse dans le pop belge. Qu'est-ce qu'il y a Benjamin, ça m'a plu? Une artiste belge donc, et qui s'est fait reconnaître en 2014, qui cartonne pour le moment. Écoutez, on réécoute. Alors vous avez la bonne réponse, vous reconnaissez le titre, encore le nom de cette chanteuse belge. Vous m'envoyez la réponse, pardon, par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS, avec à gagner, attention, vos deux entrées pour le parc Nausicaa. Bonne chance, voici Ina et Sun Is Up sur Fun. Sunny's up. Fun. Fun Radio. Radio. Fun Radio. You. You. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. Sur Fun, bon début de journée, merci de vous réveiller avec nous. Martin Solveig, Do It Right, c'est ce que je vous réserve côté son dance floor dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler rapidement que j'ai du cadeau à vous offrir ce matin. Pour ça, c'était très simple, il suffit de participer au Battle Fun Express. Je vous rappelle rapidement le contexte. On vous diffuse un extrait qui est diffusé, qui est modifié par notre réalisateur Étienne. Le principe, plutôt simple, vous devez reconnaître le nom de l'artiste ou encore le titre de ce morceau modifié. Et si vous retrouvez la bonne réponse, je vous offre deux places pour le parc Nausicaa, le parc aquatique qui cartonne en France, pour tenter votre chance. Donc ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Écoutez. Alors je vous laisse pas sans rien parce que je suis quand même quelqu'un de sympa. Un indice, c'est une chanteuse belge, néerlandophone, donc qui est née à Gand. Elle s'est fait connaître en 2014 avec un morceau avec le titre Petite On. Elle était ici parmi nous il y a quelques semaines pour une interview sur Fun Radio. Et puis bien sûr, elle cartonne, elle est super jolie et elle est blonde, écoutez. Vous avez la bonne réponse, vous m'envoyez tout ça par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Bonne chance. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce mercredi, un tirage très, très wow. Près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Fun. C'est Fun Radio. Fun See them at first light after a long night, and see the sky take shape. But I wanna see the stars burn after I had my turn. And ooh, you're working so hard. You played your card, so what's the payoff? And ooh, big talk is cheap. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Ne vous inquiétez pas, le son Dance Floor continue dans un instant avec le DJ Alec Jarmis, le duo Dimitri Vegas et Light Mike, ainsi que le trio Major Lazer, Justin Bieber et Mo, le tout dans un instant. Fun Radio. Fun.

Battle Fun du jour. Je t'envoie tes deux places pour partir dans le parc national de la mer Nausicaa en France. Oh, merci beaucoup Fun Radio. Je t'envoie tout ça à la maison mon Jordan. Et juste avant, j'ai une petite question avant de te laisser. On parle aujourd'hui de la bouffe d'été et du sucré salé. Toi, tu es quoi? Tu es plus sucré, tu es plus salé, les deux d'un coup? Plutôt salé. Plutôt salé. Est-ce que tu as comme ça un plat d'été qui va nous faire rêver? Oh, pas spécialement. Pas spécialement. Par exemple, un bon saumon, des pâtes et une petite sauce sucrée. Plutôt poisson. Ouais. Plutôt poisson. Mais en tout cas, Jordan, je te fais des bisous. On te retrouve très bientôt, évidemment. Puis je t'envoie tout ça du côté de Zaventem. Et puis, les amis, vous avez vous aussi envie de jouer avec nous? On a plein de codes à vous offrir, notamment sur la page Facebook de l'émission. Aujourd'hui, je vous offre des places pour aller visiter le musée Notre-Dame de la Rose. Ce sera l'insert idée de sortie du jour. On en parle juste après Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun à 8h39. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance. Please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Quoi de mieux pour démarrer la journée, les amis, qu'écouter Fun Radio à 8h43 avec dans quelques secondes Alec Jarmis et Swift Afterglow. Juste avant, c'est une de nos séquences préférées dans l'émission, c'est la séquence anniversaire. Le principe très simple, on appelle l'un ou l'une d'entre vous ainsi que vos potes pour lui souhaiter un bon anniversaire en direct à la radio. Et ce matin, on a Amine qui a 31 ans, qui habite Wavre et qui est avec nous. Salut Amine. Ah, on appelle seulement Amine, ok. C'est le principe du direct, c'est qu'on découvre les choses comme ça en même temps. Amine donc qui va appeler sa petite copine Yanina qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Le temps qu'Amine décroche son téléphone.

Il est presque 9h sur Fun, j'espère que tout se passe bien pour vous dans un instant. Est-ce qu'il arrive? Et c'est ce que je vous cale juste après ça. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Une idée de sortie plutôt originale qu'on vous invite à faire cette semaine. Ça se passe du côté de l'hôpital Notre-Dame-la-Rose. Pour en parler avec nous, on a Raphaël De Bruyne qui est le responsable de l'hôpital. Bonjour Raphaël. Bonjour tout le monde. Comment ça va bien ce matin? Mais ça va bien. Le soleil en plus nous rejoint sur la Belgique, que demander de plus? Avec vous Raphaël, on va parler justement de tout ce qu'on peut faire et voir à l'hôpital si on ne connaît pas réellement le principe. Oui. Ah ben, l'hôpital Notre-Dame-la-Rose, en fait, c'est un monument historique. Donc, c'est un site important qui est classé dans ce qu'on appelle le patrimoine exceptionnel. Donc, c'est le plus haut niveau de classement possible en Belgique. Oui. Et donc, dans ce beau monument historique, où il y a aussi un grand jardin de plantes médicinales qui est traversé par la rivière qui traverse l'Essine, il y a aussi une ancienne ferme. Et bien, dans ce monument historique, on a conservé, en fait, tous les objets, toutes les collections qui ont fait la vie, l'histoire, le fonctionnement de l'hôpital au cours des siècles, avec au fond plusieurs dimensions. Une dimension artistique, donc de beaux qui ont vécu là et qui ont appartenu aux personnes qui ont formé en fait la communauté religieuse d'Augustine qui a soigné les malades pendant des siècles. Et puis il y a toute une autre dimension qui est forcément la dimension médicale et pharmaceutique. Et donc là, on a de très très beaux objets qui racontent l'histoire de la médecine. Au modo, la fondation de l'hôpital et 1980, qui est le moment où l'hôpital s'est véritablement arrêté. Famille ou entre amis, parce qu'on y apprend réellement plein de choses. Oui, oui, oui. Puis on a essayé de mettre sur pied des techniques de muséographie et de scénographie qui font que les objets sont mis en vie et sont mis en valeur en les mettant en perspective par rapport à la fois à ce qu'était la vie quotidienne des sœurs et des malades, mais en les relie par rapport à l'histoire de la pharmacie et de la médecine dans le monde. Donc ce sont vraiment toute l'évolution de la médecine entre le Moyen-Âge et aujourd'hui aussi, bien sûr. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que durant l'été, vous organisez des nocturnes de ces visites. Oui, effectivement, ben c'est une manière aussi de faire vivre le monument différemment et la collection. Et donc, on essaye toujours de développer toute une belle politique d'animation. Et parmi ces animations, il y a notamment les nocturnes, et il y en aura une encore ici, donc voir. Oui. Et donc là, c'est l'occasion de découvrir à la fois le monument et les objets différents, puisqu'il y a tout un éclairage particulier qui existe et qui a été mis aux nocturnes. Il y a des animations, il y a des comédiens, il y a des musiciens, il y a des textes historiques, il y a quelqu'un qui vient jouer du piano, il y a des danseurs, enfin donc voilà. On il y a y passe toute une manière aussi de mettre le monument en vie et de le faire découvrir de manière vraiment agréable, enrichissante, rigolote même parfois. Et on y passe effectivement une bonne soirée. Et grâce à vous Raphaël, ce matin, on a des places les amis à vous offrir pour aller justement assister à cette nocturne de l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose. Comment aller remporter? C'est très simple. Vous allez dès maintenant sur notre page Facebook, la page de Summer Fun. Vous likez, vous partagez, vous commentez le statut qui est en rapport avec eh bien justement le concours Notre-Dame-à-la-Rose. Et moi, je vous envoie des places à la maison pour partir en famille ou entre amis découvrir les nocturnes de l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose. Merci beaucoup en tout cas Raphaël d'avoir été avec nous ce matin. Plaisir. On peut peut-être vous retrouver sur Facebook ou Internet pour plus d'infos. Oui, oui, notre site internet, c'est www.notredamealarose.com. C'est noté, merci beaucoup Raphaël, à très bientôt. Oui. On vous offre tout ça dès maintenant sur Facebook les amis, sur la page de Summer Fun. Avancez avant 9h et c'est le Sun Dance Floor qui continue avec David Guetta et Lovers on the Sun à 8h57. Bon réveil. Let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Feeling that's worth dying for. As in-

Fun. Fun Radio. Dans un instant, Lloyd prend le contrôle de Fun Radio avec le meilleur de son dance floor. Il a pour vous Milo, Sound of Legend ou encore, eh bien, dans quelques secondes, Maître Gims, c'est ma beauté. Juste avant, côté météo, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui, Benjamin? Eh bien, le ciel sera dégagé, il y aura un grand soleil, les maxima oscilleront entre 24 degrés en Haute-Fagne et localement, on va y arriver, 29 degrés dans le centre. Et puis, c'était ton dernier flash de l'été aussi, donc on peut te faire un gros bisou. Et puis, on te retrouve très bientôt, Benjamin, pour la suite sur Fun. Eh bien, oui, à bientôt. Et justement, à midi, c'est Carlo, par contre, qui vous informera. Et demain, c'est donc le retour de Jeff, son grand retour. Donc tout de suite une nouvelle dose de dance floor avec RAI Strefi sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Le son. Dance floor. Fun. This is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chit to dun, dun, dun. La journée démarre sur Fun Radio 9h08, soyez les bienvenus. Dans quelques petites secondes, c'est Lloyd qui débarque avec Sound of Legend et leur titre Komodo sur Fun. Juste avant, je vous rappelle que ce soir, c'est l'avant-première du film Le Correspondant avec notre ami Jimmy Labeu qui était stagiaire sur Fun évidemment il y a quelques temps. On vous en parle depuis plusieurs jours. Et bien, cette avant-première, vous allez pouvoir y assister encore. Alors, en vous inscrivant par SMS, en envoyant Ciné, CINE au 6322 pour 1€ le message. Et puis, vous recevez directement un SMS pour voir si vous remportez ces places pour aller donc voir l'avant-première ce soir à l'UGC Toison d'Or. Jimmy qui sera en interview avec nous demain matin pour justement parler de ce film Le Correspondant ainsi que tout ce qu'il fait parce qu'il est déjà à 5 films Jimmy Labeu ici dans les prochains mois et semaines. Donc c'est quand même pas mal vu son âge de 20 ans. On a également des places pour aller vous relaxer, vous détendre du côté des thermes de Grimbergen. Ça se passera tous les jours entre 17h et 20h. Et puis les matins chez nous entre 6h et 9h. On vous offre des places et aujourd'hui Audrey a pour vous des soins pour deux personnes ainsi qu'un accès aux thermes, massage au corps, chambre supérieure avec séjour, petit déjeuner, massage, plein de bonnes choses qu'on a pour vous. Alors pour tenter votre chance, vous envoyez beauté par SMS au 6322 pour 1€ le message avec toutes les infos évidemment sur funradio.be. Quant à nous, on se retrouve demain évidemment pour un nouveau Summer Fun. On reste connecté d'ici là sur Facebook sur la page Summer Fun. Comment ça va mon Lloyd? Bah ça va très bien, ensoleillé, on a une petite touche de fin d'été là, je suis génial. Content. Ouais, on va se retrouve demain. À demain Antoine, on est parti jusqu'à 13h. Milo dans un instant et voici Son of Legend. C'est Komodo sur Fun Radio. At killers where your click is at, too good I won't give it back. Swallow this crisp while I hit you where your ribs is at. And yeah, that's how I spit on tracks. I make me wanna give your raps. Shit, bite my shit, drag, treat you like you stole a pack. You probably never sold crap, no, can I get a soul clap? Clap twice, I'm that nice. Y'all funny faggots like Bernie Mac and life. Let's see y'all make it past the gun line. That one that come take mine, I walk and talk my shit. Break a one now. Eve, let them bitches know. Breathe on them with the flow. We gonna block them, blow them, leave right on out the door. I got what you need, so tell me what you need. Get our niggas in, we pay off security. Say niggas that couldn't get in, y'all niggas remember me. Hey yo, ladies, where you at? Stuck up, don't reply, where you at? Here we go. That's right, keep it live. West Coast, we can ride. East Coast, fucking live. Dirty, dirty, south, bounce that, make it bounce back. Nigga, this head nasty, keep the shit rocking. Always double law, keep shit knocking. You know how Rough Riders do, you push me, ride and die for you. I got heat to make it sting for you. Heard you was frontin' on the camp, nigga, stop that. Hot shit all day, clown, yeah, we got that. I got what you need, so tell me what you need. I got what you need, so tell me what you need. La radio de vos vacances. La radio de vos vacances. La radio de vos vacances. C'est Fun Radio. C'est Fun Radio. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico. Sushi in Tokyo. I wanna be where you are. Driving a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar. At the sunset, summer will be over soon.